la souffrance ne donne pas nom à nos mouvements. Ça ressemble plus à combattre ces démons que vivre. Dire mon nom inspire à mes animaux le début d'un grand moment. L'aboutissement du négoce, mais surtout parler mano à mano de paiement avec son ex-boss. Lui dire te quiero avec un canif. Se casser sans le bif, c'était juste une question de respect. Un peu comme si mon nom avait l'odeur de rue comme les gosses. Où ton infanterie devient ton cortège. Si tes gars et toi vous faites du solfège. Diversifier nos vécus illégaux, suis du Ennio Morricone. Sans icône ni homme, ni conno. Même si les Ezekiel avec la cagoule et les gants sont mon époque. Si t'entends des voix alors que ni toi ni moi ne parlons, c'est que des bienveillants sont en train de dire des psaumes dans mon ombre. Mes sauce eux Machiavel dans leur bénédicité, incité par le blé, un sourire froid. Un aîné reclame qu'on lui passe une arme. Sa fille meurt de famine, son navire chavire et ses larmes partent. On est prêt au pire, on raconte nos vies parce que chaque guerre a une histoire. Dédicacée à tous mes Lumumba, né de l'agression et cimenté par le combat. Nazareth, une image pour illustrer ma vraie peine serait de dire que même on s'enseigne. Je peux disparaître de la rue, mais mes idées y restent. C'est mon côté Nazareth. Une image pour illustrer ma vraie peine serait de dire que même on s'enseigne. J'écris sans qu'on m'ait appris à écrire. C'est la puissance des démons dans ma tête. Doté d'intelligence, certains de mes dons sont incontrôlables. Donc sans limite, donc sans science. Paraît que j'ai été lâchement assassiné avant de naître. Plus le quart de 100 années, prisonnier dans le ventre de la bête. Vous m'entendez peut-être, vous m'entendez sûrement. Empoisonné de sentiments à la violence constante. De lignes de barbelés qui serrent mes intestins. Chaque mot prononcé est souffrance. Mon Dieu, si doit en être ainsi. Si ma vie doit être plus sanglante qu'une mutinerie entre milices dissidentes, qu'il en soit ainsi. Continue à procéder mystiquement pour m'abattre. Il n'arrivera rien qui n'ait été prédit. Regarde comment mon peuple souffre. Je n'en peux plus mettre la violence dans ma révolution. Meurs par les mains d'opportunistes que j'ai inspirés. Meurs pour ne pas avoir contrôlé mes émotions. Mais les négros sont trop Mobutu. Dès que tu les mets bien, ils oublient tout. Mais mes idées y restent, c'est mon côté Nazareth. Je ne traîne qu'avec deux nègres. Beaucoup de rage et énormément de volonté. Mes seuls vrais deux nègres. Personne ne m'arrête, je pense qu'à gagner mes combats. Une image pour illustrer ma vraie peine serait de dire que même on s'enseigne. Mes voix se couplent comme la paisibilité d'un chairman dans la paix d'un rocking chair. Parce que je pense qu'à tous qui ne savent pas, pour parler à balles réelles je les aime pas. Ils te font nager dans un lac d'émeraude pour te vendre plus cher. Ma personnalité égorge leurs nerfs. La rue aime, manique sa mère, grand-mère. Elle aime savoir que je viens d'en dessous. Et que la vérité sur les six pieds sous terre, c'est que les cadavres dorment à côté des pierres précieuses. Et que les pauvres deviennent fous. Voilà pourquoi je n'aime pas l'État. Voilà pourquoi si je mangeais chez eux, faut qu'ils cassent mon plat. Dédicacé à tous mes Lumumba, né de l'agression et cimenté par le combat.